C'est ton grand nom que nous voulons exalter ce soir. C'est ton grand nom que nous voulons proclamer ce soir. C'est ton merveilleux nom que nous voulons exalter. Oh Rabashandara Baba. Jesus. Alléluia. To be so, Emmanuel, hallelujah, Emmanuel. Jésus, vers l'agneau qui est assis sur le trône. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia.